Débarque dans une boîte de striptease avec mon pote, un type qui kiffe la tease, mais il me rajeunit comme un lifting. Dedans, direct, il se met en débardeur, drague une meuf du garden en lui parlant petit. Il joue les gros bras, les 50, la petite qu'il drague s'énerve, je le surveille d'un œil comme Silk Creek. Il en mode casseur de coups, chercheur de coups, mais à la fin, c'est jamais lui la victime. La fille qu'il drague hurle, arrive le videur, hulle. Je voulais une soirée calme, je kiffe grave, man. Le videur, le savate comme un sac de frappe. Le macaque ressemble à Bob Sap, mais avec des sapes. Il me dit non, tu vois pas double, y'a que one. Mets ton kawaii au cas où il pleut du sang, man. J'fais du K1. Toi, tu veux ma mort, j'te sens bien. Et j'ai dit à plus frangin, et j'parlais pas de mon groupe sanguin. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. J'suis pas une balle train, t'excite pas. Si j'suis encore en vie, c'est que ma technique marche, frérot. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. J'suis pas une balle train, t'excite pas. Si j'suis encore en vie, c'est que ma technique marche. Après l'histoire avec le Lascar, plus tard le soir, on change de boîte car j'ai un pote videur Mokhtar qui me fait rentrer peinard. Une fois devant, il me rassure d'emblée. Le club s'appelle la Vierge car c'est dur d'entrer dedans. C'est VIP, tout le monde se regarde en se demandant comment l'autre a fait pour Tréhéran. L'ambiance est nazée, ça craint. Frangin, je suis navré, je noie mon chagrin, mais il sait nager. Un type me demande Awa, si il se pourrait que je sois l'ex de sa sœur. Awa, il doit se gourer. Il me traite de menteur et prévient ses frères qu'il a retrouvé le camère qu'a frappé leur sœur. Il me dit wallah, nos armes sont huilées. Arrêtez, je m'embrouille plus depuis Arnold et Willy. Man, c'est pas les Warriors, mais ça y ressemble. Ils veulent ma peau comme si j'avais tué Cyrus. Je la connais pas, ça reçoit. Or, il me dit que dehors, je vais morfler. Il me crie, t'es mort, mangeur de porc. Je leur ai dit merde, vous allez pas buter un frère. Je connais pas votre sœur, je l'ai pas cogné. Venez, je vous paie un verre. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche. Frérot, un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche. J'ai tous les frères d'Awa sur le dos, mais bon, survivons. Ils sont nombreux comme les Kennedy, mais eux, ils sont vivants. J'ai beau leur dire que c'est pas Wam, seulement ils s'en foutent comme du super bowler. Ils veulent me shooter coûte que coûte. Rester en vie, l'ami, c'est mal parti. J'ai dit pas de sang entre nous. Ils m'ont dit ta gueule, Chimène Badi. Je t'ai même pas dit, c'est une famille de kickboxers. Faites pas les cons, putain, je sais même pas c'est qui votre sœur. L'un d'eux me dit, t'es nac, je connais ta tête. Tu rappes pas beaucoup, tu mec, t'as pas un plan mixtape qu'on le gratte. Ils se foutent ma gueule en plus. Bon, écoute-moi, je vous baisse tous autant que vous êtes bande de losers. Bon, ça, je l'ai pas dit, certes, mais je l'ai pensé sincèrement. J'ai fait le serment de rester en vie, t'sais. On leur a dit qu'on m'a vu avec leur sœur au concert de Daradi et que je mens comme un garagiste. Leur sœur débarque et leur dit que je suis pas le gars. Man, elle tape des pas et elle me dit c'est pas grave. Eux, ils me disent cours, on te crève un œil. Et j'ai couru comme s'ils avaient soldé les Jordan 89. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche, frérot. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche, frérot. Un contre un, je me bats. Deux, je me défends gars. À trois, je négocie ça à plus de trois. T'entends le bruit de mes pas. Je suis pas une balle train, t'excite pas. Si je suis encore en vie, c'est que ma technique marche.